Oui, on est là, juillet, août, pas de souci. On va partir une semaine, début septembre, c'est tout. Respecter la case. Attention. Non, non, la case, c'est tout. J'espère que j'ai jamais mis. Majuscule, minuscule. Non, c'est pas tout en minuscule, tu vois bien. Regarde ce qui est imprimé. Stone, but written my very life today. If I don't get some shelter, oh yeah, I'm gonna fade away. Wow, children, he just shot away. Wow, children. Just a shot away, he just a shot away. Bon, je vais y aller, je vais faire ma mise en place parce qu'on va quand même ouvrir le resto. Allez, salut, à plus.